Et si l'Eric sur la vocale, tu ne trouveras jamais ta posture. Des fois mon flow me fait défaut, mais je me défends et je fais ce qu'il faut. Je rappe pour l'égalité, l'égaligons-nous dans cette cadence. Avec ma plume et rime, mes mots suivront toujours cette tendance. Ça commence par une idée, quelques mots sur le papier, ensuite des phrases, puis des rimes pour former tout un couplet. Ça continue avec 12 concepts et faites bien attention, j'ai l'intention de me donner à fond dans cet art d'expression. En 2009, Lyric s'est né, j'ai vu mon évolution et voici le fruit de mon travail, l'album révélation. Pas d'illicite, pas de supercherie, non faut pas déconner, juste mon cœur, mon esprit, les écrits d'un passionné. Car je ne veux pas suivre ces moutons qui bêlent à la radio, qui ne font vibrer que les minots avec des morceaux idiots. Je ne dirais pas que le rap est mort, mais qu'il est mou. Souffrance que j'écoute sur les ondes est désolant, affolant. Les MC se lancent dans la décadence. Plus le temps passe, plus la tendance et la dispense de consistance. Manque de dissidence, je ne serai peut-être pas au top, mais au moins j'ai la fierté de respecter les vraies valeurs du hip-hop. Car j'ai pas envie de faire le con, j'ai envie de faire du bon son. J'ai l'ambition de réunir les gens, il serait temps d'y songer. Investi par une mission, il faut que je la remplisse, que je dénonce les injustices en respectant mes convictions. Comprends bien que j'aspire à passer un message de paix. Je ne suis pas là pour propager la haine, ni pour te duper. Début 2013, mon rap se fait la belle. Pour prévenir d'éventuelles séquelles, voici ma rature de rappel. Lyric, l'album arrive. Révélation, révélation. C'est signé label Free Chords. Rature de rappel. Lyric.